Chapitre 7e. Mademoiselle, moi aussi. Le départ de Madame Pigage produisit un soulagement général, un sentiment de délivrance et de liberté, analogue à peu près à celui qu'on ressent quand une épidémie qui a menacé un pays pendant plusieurs mois disparaît tout à coup. Et Martel, après les avoir mis en voiture, rentrant dans son atelier avec Armande et les enfants, laissa échapper le mot involontaire qui caractérisait pleinement la situation. « Cela semble bon, » dit-il, « de se retrouver chez soi. » Moins discret, les enfants manifestèrent bruyamment leur joie. « Ah, maman !» s'écria Victorine en se jetant dans les bras de sa mère. « Elle est vraiment partie !» Cette joie ne fut pas un éclair. Elle se continua et éclata dans tout. Il y avait des mois qu'elle n'avait montré pareille égalité, pareille franchise dans la bonne humeur. En la voyant ainsi, Armande sentit s'affaiblir les inquiétudes qui, dans ces derniers temps, l'avaient tourmentée. Quoique les changements observés dans Victorine fussent profonds, ce départ et le contentement qu'il provoquait les faisaient comprendre. Jusqu'à certains points, ils devenaient maintenant explicables. Une enfant, naturellement inquiète et susceptible, comprimée par une main trop lourde, avait dû nécessairement dévier de son vrai caractère. Elle n'était devenue taciturne et cachée que parce qu'elle n'avait jamais rencontré indulgence ou encouragement. La peur lui avait appris à ne pas répondre franchement. La dureté qu'on lui appliquait l'avait rendue dure envers les autres. Et si elle était tombée dans une étrange mobilité d'humeur, tantôt gaie jusqu'à rire et crier follement sans cause apparente, tantôt caressante avec sa mère et son frère, jusqu'à les fatiguer d'une tendresse maladive, le plus souvent triste et morne, jusqu'à rester des heures entières dans un coin sans vouloir répondre, sans regarder, comme si elle était insensible, il fallait chercher l'explication de sa conduite dans la crainte et la répulsion que lui avait inspirée Madame Pigache. D'ailleurs, où la chercher autre part et comment? Si Madame Pigache n'était pas la cause, la seule cause de ces changements, où était-elle? La jalousie, mais elle était jalouse avant que Madame Pigache n'arrivât au Plessis. Elle avait toujours été de tout, de tous et même avant que Julien ne fût né. Il avait été décidé qu'Armande prendrait la direction des enfants et qu'une institutrice, nommée par Madame Aigbel, viendrait de Paris seulement deux fois la semaine. Elle les faisait donc travailler tous les jours exactement comme Madame Pigache, suivant les règles et les heures adoptées par celle-ci. Par là, elle se trouva avec eux bien plus qu'autrefois et dans des conditions toutes différentes, non plus seulement pour les soigner et les cajoler, comme lorsqu'elle n'avait qu'à rire de leur rire, mais pour les contraindre à ce que les enfants subissent le plus difficilement la régularité dans l'ordre établi. Aussi ne lui fut-il pas longtemps de ses nouvelles habitudes pour sentir que les espérances fondées sur le départ de Madame Pigache ne se réaliseraient pas. La bonne humeur de Victorine ne dura pas deux jours. Sans que rien en donnât la raison, elle redevint promptement ce qu'elle avait été durant les derniers mois. C'était surtout dans ses rapports avec Julien qu'elle était tout à fait étrange. Est-elle qu'on pouvait se demander si elle ne le haïssait pas? Bien des fois, en la voyant bousculer son frère, repousser toutes ses avances, retirer soigneusement, en l'aggravant, ce qui pouvait le faire gronder, Armande se posa cette terrible question. Bien des fois, elle crut à cette haine incompréhensible. Mais bientôt, Victorine revenait à lui, l'embrassait, le caressait, cherchait par tous les moyens à le faire rire, et paraissait aussi tendre qu'un instant auparavant elle avait été insensible. Tout enfant, et dès qu'il avait commencé à ouvrir les yeux, Victorine avait trouvé chacun empressé autour d'elle, son père, sa mère, son grand-père qui en avait fait une idole, et elle s'était habituée à voir ses caprices toujours acceptés et le plus souvent prévenus. Les enfants, qui apprécient très justement le degré de leur pouvoir sur ceux qui les aiment, savent très bien ce qu'ils peuvent tenter, comme ce qu'ils peuvent exiger. La naissance de Julien avait considérablement affaibli ce pouvoir. Et elle avait été très surprise de voir qu'elle n'était pas seule à l'exercer. De là, une jalousie qui, dans un caractère naturellement vieux, avait pris un monstrueux développement. Jamais son frère n'avait demandé quelque chose sans qu'aussitôt elle ne tendît la main en criant « Moi aussi !» Si on le caressait, si on l'emmenait promener, si on lui donnait ou lui apportait quoi que ce fût, toujours, aussi bien pour un rien que pour ce qui en valait la peine, elle intervenait avec son « Moi aussi !» Julien se plaignait-il? Moi aussi, disait-elle, j'ai mal. Cela était si bien passé en habitude et si frappant que les domestiques, en parlant d'elle, ne l'appelaient jamais que Mademoiselle moi aussi. Rien, ni observation, ni moquerie, n'avait pu la guérir de cette personnalité exigeante et toujours inquiète. Mais, Depuis quelques mois, d'elle-même et tout à coup, elle avait cessé de dire son éternel « moi aussi ». Seulement, il était visible que c'était une contrainte qu'elle s'imposait, car si ses lèvres ne le disaient, ses yeux comme autrefois le criaient à propos de tout. À table, elle ne quittait pas Julien du regard, observant si on le servait mieux qu'elle n'avait été elle-même servie. Lorsque Martel ou Armande le prenaient dans leurs bras pour jouer avec lui, elle venait se poser auprès d'eux comme pour attendre son tour. Mais elle ne le réclamait plus bruyamment comme autrefois. Sans un mot, sans une observation, elle s'en allait dans un coin, et si en l'appelant ou en allant à elle, on la forçait à se retourner, on la trouvait les yeux gros, les lèvres serrées, luttant pour ne pas pleurer. Sa mauvaise volonté dans presque tout ce qu'on exigeait d'elle lui attirait des punitions, qui devenaient d'autant plus fréquentes qu'on se croyait obligé envers elle à une certaine sévérité. Jamais elle ne se révoltait contre ces punitions, et le plus souvent elle les subissait avec une morne insensibilité. Mais quelquefois, il arrivait que si c'était sa mère qui les lui imposa, après un premier moment de silence, elle s'élançait vers elle, se cramponnait à sa robe, l'embrassait, la serrait follement dans ses petits bras, et au milieu de sanglots, de larmes, criait « Ne me punis plus, pardonne-moi, je t'aime bien, maman !» Puis c'était des caresses, des promesses. Et si Armande, la voyant attendrie, voulait la questionner, lui faire dire ce qu'elle avait, elle reprenait aussitôt son immobilité. Invariablement, elle faisait la même réponse « Je n'ai rien, je t'aime bien !» Ces alternatives de tendresse et de dureté, de franchise involontaire et de dissimulation, mais surtout, son caractère taciturne et fantasque déroutait les raisonnements aussi bien que les observations. Son attitude rêveuse et triste, ses regards fixes, qui paraissaient toujours chercher quelque chose, n'étaient pas d'une enfant de son âge. Qu'avait-elle? Pourquoi était-elle ainsi? Pour Armande, elle était incompréhensible. Pour les autres, qui n'enduraient pas ce caractère avec la tendresse indulgente d'une mère, elle était insupportable. Elle n'avait jamais été facile avec les domestiques, ayant eu avec eux, dès qu'elle avait pu commander, les exigences impatientes d'une enfant gâtée, elle était devenue dure et méprisante. Et comme lorsqu'elle pouvait échapper à la surveillance de sa mère au moment où mangeaient les gens de la ferme, c'était pour venir s'établir dans la cuisine, elle ne trouvait que trop d'occasions pour leur dire des insolences ou leur jouer de mauvais tours. Avec raison, les paysans regardent l'heure du repas comme leur appartenant. Ils n'aiment pas qu'on soit près d'eux comme pour la leur mesurer. Pas plus qu'ils ne supportent qu'on vienne en ce moment se mêler à leurs propos. Ils ne se gênaient donc pas pour la forcer à quitter la place. Et leur langue était aussi lourde que leurs mains. Elle ne s'éloignait le plus souvent que pâle de dépit et tremblante de l'envie de se venger. Méduline, Hutin et quelques autres avaient voulu la défendre. Elle avait si mal accueilli leur aide qu'ils s'étaient lassés et peu à peu l'avaient laissée avec tout le monde contre elle. Marie-Ange, sa bonne, qui l'avait élevée, avait seule persisté quand même. « Malicieuse qu'elle est, disait-elle, mais c'est de son âge, il ne faut pas lui en vouloir. » « C'est-il de son âge d'être toujours derrière nous quand elle nous voit seulement deux à causer et de nous arriver sournoisement sur le dos comme pour surprendre ce qu'on dit? Est-ce qu'on parle mal de son père ou de sa mère? Est-ce que c'est eux qui lui commandent de nous espionner? Non. Et son frère n'est pas comme elle. Ah, son frère, le bon chéri, est-ce qu'il pense à mal ?» Cette manière de venir à son secours exaspérait Victorine. Ainsi, chacun l'abandonnait, lui préférait Julien, même Marie-Ange. Dans une âme d'enfant qui ne résonne que sous le coup de la sensation immédiate, de pareilles idées, une fois qu'ils se sont formés, germent vite et prennent un dangereux développement. Elle avait eu pour compagnon de ses premiers jours un grand chien de Terre-Neuve, et aussi loin que ses souvenirs remontaient, elle voyait Badaud auprès d'elle, esclave docile, toujours prêt à ses caprices. Elle l'avait attelé à sa première voiture dans son jardin de Chaillot, et il l'avait nagé auprès d'elle dans les mers d'Italie. Mais Badaud, devenu vieux, lourd et dormeur, ne voulait plus jouer. Son caractère aussi avait vieilli. Lorsque maintenant elle voulait le contraindre à quitter le tapis sur lequel il passait toutes ses journées, il grognait, et sans mordre, il montrait ses dents ébranlées. Pour Julien seul, moins turbulent, et qui d'ailleurs ne le tourmentait jamais, il avait encore un petit frétillement de queue qui semblait dire « Tu ne m'ennuies pas, toi, mais laisse-moi tranquille. » Ainsi, Jean, Bette, tous les uns après les autres, se retiraient d'elle, et précisément au moment où elle avait le plus besoin d'affection démonstrative. Car, par un contraste qui était son caractère même, Elle passait sans transition de l'indifférence la plus morne à la tendresse la plus expansive. Successivement, elle avait fait amitié avec chacun de ceux qui l'entouraient, non une amitié tiède et banale, comme on fait à 30 ans, mais une amitié passionnée comme en font les enfants et qui ressemble si pleinement à l'amour avec toute sa foi, ses joies et ses douleurs. Il est vrai que cette amitié ne durait guère que quelques jours, rarement une semaine, mais pendant ces quelques jours, c'était de sa part une véritable passion où elle mettait tout son cœur, puis, tout à coup, sans qu'on sût pourquoi, sans qu'il fût possible de lui faire dire ce qui l'avait blessé, elle revenait à l'indifférence. Quoique Le Plessis fût une ferme de production où tout était dirigé en vue d'obtenir des céréales, dont les fourrages se vendaient avantageusement sur les marchés de Paris, on y élevait cependant quelques cochons destinés à utiliser les débris de toutes sortes qui, sans eux, eussent été perdus. Buffon, qui n'a guère parlé de nos animaux domestiques que pour les empailler superbement dans une attitude noble et fausse, a déclaré que de tous les quadrupèdes, le cochon était l'animal le plus brut, que toutes ses habitudes étaient grossières, tous ses goûts immondes, toutes ses sensations réduites à une gourmandise brutale. La phrase a de la grandeur et de l'harmonie, malheureusement elle n'a que cela. Si Buffon, en étudiant les bois, avait pris la peine de les parcourir, il aurait vu que le cochon sauvage est de tous les quadrupèdes l'animal qui se rapproche le plus de l'homme par le sentiment de la famille, car il n'est pas rare de voir l'allée accompagnée de ses portées de 2 ou 3 années successives, tout ce monde vivant en société, réuni par les liens de la parenté, ce qui ne se rencontre pas chez les autres bêtes. S'il avait quelquefois abaissé ses regards sur sa basse-cour, il aurait vu que le cochon domestique possède à un haut point l'esprit d'association, et que si l'on attaque un membre de sa bande, il prend aussitôt sa défense, soigne le blessé et poursuit l'assaillant. S'il avait quelquefois chassé, il aurait vu que le sanglier distingue très bien celui qui lui a envoyé une balle, se débarrasse des chiens, se précipite sur lui au lieu de fuir, et l'éventre souvent d'un coup de défense, heureux de se venger avant de mourir. S'il avait interrogé le premier paysan venu ou le dernier de ses porchers, il aurait appris que les cochons aiment la propreté autant qu'aucun autre animal, et qu'ils ont pour leur loge des soins que les autres animaux n'ont pas dans leur étable. S'il s'était simplement renfermé dans son rôle de naturaliste, il aurait vu que cette brute possède un organe, le boutoir, qui, pour la délicatesse et la sûreté des perceptions, ne peut être comparé qu'à la trompe, ce merveilleux instrument qui a fait adorer l'éléphant comme un dieu. Parmi ceux qu'on engraissait à la ferme, il y en avait un qui, moins brut ou plus intelligent, comme on voudra, s'était élevé à la véritable conception des choses de la vie et, en conséquence, ne s'éloignait guère de la porte de la cuisine. Un beau jour, Victorine le prit en affection et, comme elle le bourra de fruits et de salades, ce fut bientôt un sentiment partagé. Il la connaissait et, quand elle arrivait, il la courait au-devant d'elle en agitant sa queue en tire-bouchon. Si elle le caressait, il se couchait voluptueusement à ses pieds et fixait sur elle ses petits yeux ardents qui se fermaient à demi. Elle la porta dans ce nouveau caprice la passion qu'elle avait mise dans toutes ses amitiés. Tout le temps qu'elle avait de libre, elle venait le passer avec lui. Elle l'emmenait dans un coin de la cour, et ils restaient là, tous deux, des heures entières, lui se laissant nettoyer, tripoter, caresser comme le fait le chien le plus docile, mais avec un sentiment plus vif de jouissance égoïste. Elle, lui parlant, lui contant ses chagrins dans un parler enfantin, comme elle l'eût fait à une poupée, le transformant aussi en un confident et un consolateur. Dans l'amitié qu'il lui rendait, il y avait une bonne part de gourmandise, car elle l'empâtait de tout ce qu'il y avait de bon. Mais, si l'on peut analyser les sentiments d'un cochon, il y avait aussi plus que cela, car sa gourmandise satisfaite, il restait étalé auprès d'elle, ou bien il la suivait docilement selon ce qu'elle voulait. Elle avait une petite musique nouvellement inventée qu'on lui avait rapportée de Paris. C'était une espèce de cornemuse formée d'une poche en caoutchouc qui était un réservoir d'air. À ce réservoir était adapté un tuyau percé de 3 trous pour le gonfler. Lorsqu'il était plein, on promenait les doigts sur ces trous comme on le fait sur une flûte. Le vent en sortant formait des sons. Devenue assez habile sur ce singulier instrument, elle s'amusait, durant des heures, à en jouer pour son cochon. Allongé près d'elle, les yeux demi-clos, grognant voluptueusement, il écoutait cette musique avec un évident plaisir, demeurant tranquille tout le temps qu'elle voulait bien le régaler. S'il aimait la musique, le cochon aimait aussi la bourbe fraîche, et lorsqu'il venait de s'y vautrer, enfoncé jusqu'au groin, il n'était guère propre. Victorine portait souvent les traces odorantes de ses caresses, ce qui était pour elle une nouvelle occasion d'être grondée par sa mère, que cette intimité révoltait. « S'il te faut une bête, » lui disait-elle en tâchant de la raisonner doucement, « pourquoi ne prends-tu pas Badaud ? Badaud ne m'aime plus. Ton cochon t'aime-t-il ? Oui, et on ne l'aime pas. » Ainsi, c'était bien de jalousie que Victorine souffrait. Elle croyait qu'on ne l'aimait plus, ni sa mère, ni personne, ni même le chien de la maison. Mais que dire à une enfant qui vous écoute dans une attitude triste et résignée sans vouloir entendre ? Comment la persuader qu'elle se trompe ? Fallait-il battre Julien pour convaincre sa sœur qu'elle était la préférée ? Et d'ailleurs, il n'y avait pas de préférée. Armande avait beau s'interroger elle-même, elle sentait qu'ils lui étaient également chers l'un et l'autre. Son amour maternel était bien celui dont parle le poète. Chacun en avait sa part, et tous l'avaient tout entier. Si Victorine était plus souvent punie que son frère, c'est que plus souvent elle le méritait. Dans ces circonstances, punition, observation, sévérité, douceur, rien ne fit. Plus on voulut la séparer de son cochon, plus elle fut empressée auprès de lui. « Il y a un moyen bien simple de tout trancher, » dit Martel, « c'est de tuer le cochon. » D'ailleurs, son tour est venu. Seulement, pour ne pas la faire pleurer, on choisira un moment où elle ne sera pas là. Précisément, tu es avec elle mardi à Paris, on le tuera mardi, le lendemain elle n'y pensera plus. Le mardi, Victorine, en rentrant de Paris, voulut, comme à l'ordinaire, aller voir son bon ami ainsi qu'elle l'appelait. Mais le dîner était servi, elle dut, en descendant de voiture, se mettre à table. Pendant qu'elle mangeait, Julien, qui était resté à la maison, la regardait avec des yeux malicieux. Enfin, n'y tenant plus, « Le trouves-tu bon, ton bon ami » dit-il. « Julien !» dit Armande. Il était trop tard, elle avait regardé son assiette et le boudin qu'elle était en train de manger l'avait fait comprendre. Elle pâlit affreusement, puis brusquement, se tournant vers son frère, elle leva sur lui son couteau. Mais avant qu'elle eût pu l'en frapper, elle se renversa sur sa chaise, prise de convulsions et de vomissements. Pendant plusieurs heures, elle ne fit que pleurer dans une crise de fièvre qui la soulevait. Ce fut seulement au milieu de la nuit qu'à bout de force, elle s'endormit d'un sommeil agité et entrecoupé de sanglots. Alors on comprit combien était grave et vrai cette amitié dont on s'était moqué. Quoique Martel s'en occupât peu directement, il s'en préoccupait beaucoup. Mais il se gardait bien de faire part de ses craintes à Armande. Lorsque celle-ci laissait voir son inquiétude, il tâchait de la rassurer. C'était, ce ne pouvait être que la jalousie, et contre ce mal, il n'y avait rien à faire qu'à maintenir une parfaite égalité entre le frère et la sœur. Il est vrai que cette égalité était presque impossible, car autant Victorine était fantasque d'humeur, autant Julien était doux et gai, autant elle était rebelle, autant il était docile. De là, naturellement, une manière d'être avec eux qui n'était pas la même, et comme, sans remonter à la cause, le résultat matériel était là, il voyait pour l'une des punitions, pour l'autre des caresses. Par lassitude de toujours gronder, par pitié maternelle aussi, Armande feignait souvent de ne pas voir ou d'ignorer bien des choses, mais Martel ne partageait pas cette faiblesse. Sans aimer Victorine, comme Julien, d'un amour de père, il avait pour elle une très vive tendresse. Il l'aimait surtout pour Armande. Et rendu attentif, précisément par cette tendresse, il était désolé de remarquer les mauvaises dispositions qui se manifestaient en elle, d'autant plus qu'elle lui semblait un héritage paternel. Souvent, autrefois, au temps de sa liaison avec Maurice, réfléchissant au contraste de ce caractère d'une extrême mobilité, qui allait de la bonté la plus grande à la dureté la plus révoltante, et qui dans la même heure trahissait des qualités excessives et des défauts monstrueux. Il avait attribué l'envahissement de ses défauts à l'excessive faiblesse qu'avaient eue pour son enfance ceux qui l'avaient élevé. Et il ne voulait pas que la même faiblesse produisît maintenant chez la fille les mêmes résultats. Pendant qu'il en était encore temps, il croyait que les germes de ses défauts devaient être sévèrement arrachés avant qu'ils eussent pris racine et sous leur foisonnement étouffé les qualités naissantes. Une autre raison encore le décidait à une sage sévérité, capitale celle-là, et qui devait être désormais sa règle et sa loi. Par notre situation, dit-il à Armande, quand il sentit qu'elle penchait vers l'indulgence, nous sommes en quelque sorte condamnés à une vie exemplaire. Nous le sommes pour le monde, et plus encore pour nos enfants. Il faut, s'ils viennent à apprendre la vérité lorsqu'ils commenceront à raisonner, que nous puissions paraître devant eux sans qu'ils aient un reproche à nous adresser, malgré les préjugés qui pèseront sur eux d'un terrible poids. J'ai confiance que si nous n'avons jamais donné prise au blâme, ils seront indulgents pour une fatalité que nous avons subie et que nous leur transmettrons. Cette responsabilité ne m'effraie pas. Je sais bien qu'elle sera lourde, car nous n'avons secours ni relais à demander. Tout nous est obstacle. La loi, la religion, les condamnances sociales. Cependant, il ne me déplaît pas de la porter. Quand on est chargé, on marche droit, on regarde à ses pieds et on ne fait point de faux pas. Pour toi, je la crains encore moins que pour moi. Voilà comment notre situation, si déplorable qu'elle soit, a cependant un bon côté. Mais nous ne sommes pas responsables de nous seuls, nous le sommes des enfants. À eux aussi le monde sera dur. Nous devons les armer pour qu'ils puissent supporter ces coups. Ils auront à se faire beaucoup pardonner. Ils n'y arriveront que si personnellement ils sont irréprochables. Nous devons donc les élever en prévision de cet avenir, et c'est mal commencer que de leur passer leurs caprices. Martel avait été élevé sévèrement, durement même, par un père qui avait pour principe que les enfants ne doivent jamais faire leur volonté, et il trouvait tout naturel d'appliquer aux autres les idées qu'il avait faites honnête homme. Il n'eût eu que son fils, ils eussent été dans la position de tout le monde. Il eût élevé Julien sans parti pris, très probablement au hasard de la tendresse paternelle. Mais il avait charge d'un enfant qui n'était pas le sien, qui montrait des dispositions inquiétantes, qui, mal commencé, pouvait ressembler à son père. Il raisonnait, il s'imposait un système et s'y enfermait étroitement. Ce n'étaient pas les aspirations du cœur qui devaient diriger cette éducation, mais les règles précises d'une ligne inflexible tracée d'avance et rigoureusement suivie. Victorine avait depuis quelque temps pris une habitude qui, plus que tout, contrariait singulièrement ce système, c'était de raconter des histoires dans lesquelles il n'y avait pas un mot de vrai. Comme beaucoup d'enfants qui ont l'imagination trop vive, elle inventait des fantaisies incroyables, extravagantes pour les personnes sensées, mais pour elle, charmantes. Ces fantaisies, elle les contait le plus sérieusement du monde, non précisément pour mentir, bien plutôt pour conter, se faire écouter, se rendre intéressante. Sans démêler ses exigences d'une imagination impatiente et ses artifices d'une enfant qui veut attirer l'attention, précisément parce qu'elle se croit délaissée, Martel ne voyait que le fait, c'est-à-dire le mensonge, et comme il était la sincérité même, il s'en trouvait réellement blessé. Cette fausseté était pour lui une cause d'irritation de tous les instants. Aussi ne cessait-il de recommander à Armand de la combattre. Il s'était donné la règle de ne jamais intervenir d'une façon directe, mais un jour, la patience lui échappa. Au dîner, Julien se mit à raconter qu'un grand oiseau s'était abattu sur les moutons de Hutin et avait voulu en emporter un. « Tu l'as vu ?» interrompit Armande. « Non, c'est Victorine. »« Tu l'as vu ?»« Oui, » dit Victorine sans hésitation. « Il avait des plumes dorées à la queue, un grand bec crochu, c'est Hutin qui l'a fait partir. » Et elle se mit à préciser, par des détails particuliers, exactement comme un romancier qui veut donner la vérité à son récit. « Hutin est précisément à la cuisine, » dit Martel, « qu'on le fasse venir. » Victorine ne montra pas le plus léger embarras. « Vous avez vu un grand oiseau qui a voulu enlever un de vos moutons ?» dit Martel à Hutin lorsque celui-ci fut arrivé. « Notre maître se moque de moi ?»« Non, c'est Victorine qui se moque de nous. » »« Je n'ai pas dit que Hutin l'avait vu, » interrompit Victorine. « Il l'a fait partir. » Dans un mouvement d'impatience et de colère, Martel tortilla si vivement sa serviette qu'on entendit la toile se déchirer. Puis, quand le berger fut sorti, « Tu sais, » dit-il à Victorine, « que je ne te punis jamais. »« Oui, mais tu me fais punir par maman, » répondit-elle sans baisser les yeux et d'une voix sèche. Il s'arrêta un moment pour regarder Armande, mais aussitôt reprenant, « Eh bien, aujourd'hui, je vais te punir moi-même, et tu verras que tu n'as pas à y gagner. Puisque tu n'es pas mon vrai papa, tu ne dois pas me punir, » dit-elle d'un ton de défi, « c'est à maman de me punir. » C'était la première fois qu'elle montrait pareille résistance. Armande voulut intervenir. Martel, assez maître de lui pour sentir les dangers d'une discussion sur ce sujet, lui fit signe de garder le silence. Et sans répondre directement à l'interruption de Victorine, il reprit « Je vous avais promis à Julien et à toi deux poneys. Julien aura le sien, toi tu n'en auras pas, ou au moins tu ne l'auras que quand tu ne mentiras plus. » Ces poneys étaient depuis un mois le sujet continuel de la conversation des enfants. Ils en rêvaient, et toute la journée, ils faisaient des projets. Victorine surtout en était folle de joie. En entendant cet arrêt, qu'elle savait devoir être rigoureusement tenue, elle ne dit rien, ne laissa pas couler une larme, pâlit seulement et tressaillit de tout son corps, puis, se tournant vers sa mère, sans même regarder Martel, elle attacha sur elle ses deux yeux longuement, fixement, avec une indéfinissable expression de douleur et de révolte qui, remuant jusqu'au cœur la pauvre mère, la laissa pour longtemps troublée et inquiète. Depuis une huitaine, Julien avait son poney, lorsqu'une après-midi Hutin le rapporta dans ses bras à moitié évanoui. Derrière marchait Victorine qui pleurait. Il y avait à peu près 3 heures que les deux enfants étaient sortis ensemble pour aller jouer dans un petit bouquet de bois qui joignait la ferme et qu'on appelait le bois du curé. « Prévenez la maîtresse que le petit est malade, » dit Hutin à la femme de chambre, « qu'elle ne soit pas saisie. » Armande était dans l'atelier auprès de Martel qui travaillait. Elle ne fit qu'un bond pour venir au-devant de Hutin et lui prendre l'enfant. « Qu'as-tu ? » lui demanda-t-elle. « Mal au cœur, » dit-il d'une voix confuse. Elle le regarda. Son attitude était hébétée, ses yeux étaient rouges, hagards, ses pupilles dilatées et immobiles. « Mademoiselle Victorine m'a appelé, » dit Hutin, répondant à une muette interrogation de Martel. « J'étais auprès du bois du curé avec mes moutons. Monsieur Julien sautait, puis se roulait à terre. On aurait dit qu'il ne voyait pas devant lui, car il se cognait aux arbres. Je l'ai pris dans mes bras pour l'apporter. « Nous jouions dans le bois, » dit Victorine en s'avançant. Tout à coup, Julien s'est mis à rire et à danser, en disant qu'il avait mal au cœur. Et puis il est tombé en disant qu'il ne pouvait pas se tenir debout. J'ai eu peur, j'ai appelé Hutin. Armande voulut faire parler Julien. Elle n'en put tirer que des paroles incohérentes. Tout à coup, il riait aux éclats, puis il tendait vivement les bras devant lui, comme pour saisir un objet qu'il aurait vu. Ses bras et ses mains étaient agités de mouvements nerveux. Bientôt, il retombait dans un accès de faiblesse. « Allez vite à Villeneuve, » dit Martel à Hutin. « Prenez Filauvent et le Tilbury. Crevez le cheval s'il le faut. Avant une demi-heure, soyez revenu avec Monsieur Bouchereau. » La demi-heure n'était dépassée que de 2 minutes quand on entendit le trot précipité du cheval. Pour le père et la mère, le médecin, c'était la vie. Pendant cette demi-heure, Julien avait eu plusieurs crises de délire et il avait été pris de vomissements. On avait voulu renvoyer Victorine, elle n'avait pas voulu quitter la chambre et elle était restée immobile dans un coin. À un moment, Julien, ayant un peu de calme, elle s'était approchée de sa mère. « Maman !» avait-elle dit. Mais Julien avait eu une nausée et Armande l'avait repoussée pour soutenir la tête du pauvre petit. M. Boucheron n'examina pas longtemps Julien. « Votre berger m'a parlé de délire, » demanda-t-il. « C'est plutôt une gaieté folle que le délire. Cependant, il souffre. Tout à l'heure, en vomissant, il chantait. » Il se fit montrer la cuvette. « Ne vous effrayez pas, » dit-il. « Il a vomi. Il est sans doute sauvé. C'est un empoisonnement par la belladone. Paupières dilatées, délire gai, 2 symptômes certains. D'ailleurs, nous retrouverons des débris de baie encore entières. » « Sa sœur était avec lui, m'a dit le berger, elle doit l'avoir vu en manger. » Et s'adressant à Victorine, « Vous étiez avec votre frère dans le bois, il a dû manger des baies de belladone ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle en le regardant fixement. « Des petits fruits rougeâtres ou presque noirs, gros comme une petite cerise. » Elle resta un moment sans répondre, puis tout à coup, comme si elle prenait sa résolution. « Nous jouions au médecin, » dit-elle. « Julien était le malade, moi le médecin. Il devait manger des petites cerises. » Il serait malade d'en avoir trop mangé et je le soignerais. Voilà bien ce que je pensais. En as-tu mangé aussi ? Dit Armande avec anxiété. Moi non, j'étais le médecin. Pendant 2 jours, Julien donna les craintes les plus sérieuses. On alla à Paris chercher Carbonneau. Il rassura les parents, mais il fut moins affirmatif avec son jeune confrère. Le cas était grave. La quantité de fruits absorbés avait été considérable. Si on le sauvait, cet empoisonnement laisserait des traces profondes dans l'organisme. « Ayez pleine confiance dans Bouchereau, » dit Carbonneau en repartant. « C'est un garçon intelligent, plus capable que moi de bien soigner Julien dans cette circonstance, car il a fait des narcotiques une étude approfondie, et sa thèse sur ce sujet est très remarquable. Ce n'est pas un médecin de campagne. Il avait une belle place à prendre à Paris si sa timidité et son honnêteté lui l'avaient permis. Échoué à Villeneuve, il ne la prendra pas maintenant dans la pratique. Mais il se la fera dans la science pure, soyez-en certain. Trouver ce garçon-là de pas de chez soi, c'est pour vous un vrai bonheur. » Le soir du 3e jour, Bouchereau déclara que l'enfant était sauvé. Cette nuit-là, on dormit au Plessis. Le lendemain matin, Martel était dans son atelier, au travail, lorsqu'il vit entrer Hutin. Il paraît que M. Julien n'est plus en danger ? Demanda celui-ci avec embarras. Je vous remercie, répondit Martel, surpris que son berger entrât ainsi. Il est maintenant sauvé. Ah, tant mieux. Et Hutin se tut, paraissant plus embarrassé encore, mais en même temps décidé à ne pas s'en aller. Martel vint à son aide. Vous avez quelque chose à me dire, n'est-ce pas ? Vous êtes un homme. Vous m'avez trouvé prêt à faire un mauvais coup pour en finir. Vous m'avez ramassé. Si je me sens tranquille sans avoir peur des gendarmes, des commissaires, des juges, de toute la boutique, si je vis, si je mange, si je dors sans avoir un couteau ouvert dans une poche, c'est à vous que je dois tout ça. C'est pour vous dire que je vous suis dévoué, à vous et à votre famille. Je voudrais que vous en soyez bien sûr, mais je ne sais pas vous le compter. Je vous crois. Vrai, eh bien, vous devez croire aussi que, relativement à vous, je ne voudrais pas mentir. Je n'ai pas le droit de jurer. Si je l'avais, je vous ferais serment. Quel serment ? Interrompit Martel, ne comprenant rien à ces protestations d'un homme habituellement taciturne, et qui, depuis qu'il l'avait à son service, ne lui avait jamais dit tant de paroles. Le serment que ce que j'ai à vous dire, c'est vrai comme la vérité, et que si je vous le dis, c'est parce que là, je vous aime, quoi. Et le petit monsieur Julien aussi. Il s'arrêta encore un moment, comme pour reprendre courage. Voilà, reprit-il d'une voix précipitée. C'est relativement à l'affaire de la belladone, cette mauvaise herbe dont il a mangé. Il y a 8 jours, j'étais encore autour du bois du curé avec mes moutons. Voilà mademoiselle Victorine qui vient jouer au bois, c'est bien. Mais voilà qu'en passant devant elle, je vois qu'elle avait dans sa robe des fruits de cette belladone et qu'elle jouait avec. On n'aime pas beaucoup à lui parler, vous savez, parce qu'elle n'est pas toujours facile. Mais c'était pas le moment de faire le délicat. Mademoiselle, que je lui dis, il faut jeter ça. Eh bien, interrompit Martel avec une horrible angoisse, faut jeter ça parce que c'est du poison. Non, qu'elle me dit, c'est comme des guignes. C'est du poison que je vous dis. Et quand j'étais petit, 2 de mes camarades qui en avaient mangé devant moi sont morts. Elle lâcha sa robe, voilà. De la paume de sa main, il s'essuya le front. Martel était d'une pâleur livide, le cœur étreint, ne respirant pas. Durant plusieurs minutes, il resta sans rien dire, comme si Hutin n'avait pas été là, devant lui, le regardant. Ce fut seulement quand celui-ci fit quelques pas pour s'en aller qu'il secoua sa stupeur. « Elle n'aura pas compris ce que vous lui expliquez ? » dit-il avec hésitation. « Ah, sûrement. Et puis les fruits étaient rouges il y a 8 jours et noirs quand le petit monsieur en a mangé. Elle ne les aura pas reconnus parce qu'ils avaient mûri. C'est bien ce que je me disais. » Il sortit. Il n'avait pas tiré la porte que Martel courut derrière lui. « Ne parlez à personne de ce que vous m'avez dit, c'est inutile. »« Oh, sûrement, monsieur. » La convalescence lente de Julien, avec des alternatives de mieux et de pire, exaspéra la jalousie de Victorine. Armande, Martel, tout le monde dans la maison, ne parlait, ne s'occupait que de Julien. Les inquiétudes, les craintes, le chagrin de sa mère venaient à chaque instant prouver combien tendrement il était aimé. Cette jalousie avait cependant des intermittences. Lorsqu'il était mal, elle disparaissait dans les effusions d'une tendresse passionnée. « Est-ce qu'il est bien malade ? » demandait-elle 20 fois par heure. « Il ne mourra point, n'est-ce pas ?» Si on le lui eût permis, elle fut constamment restée auprès de lui. Lorsqu'il était mieux, elle reparaissait. Plus de tendresse, plus de caresses, une humeur morne, hargneuse. « Maman, » dit-elle un soir qu'elle était seule avec sa mère dans la chambre de Julien endormi. « Est-ce que si j'étais malade, tu aurais du chagrin aussi ?»« Est-ce que quand tu étais malade dans notre petite chambre de la rue Montmorency, je n'avais pas de chagrin ?»« Oui, mais j'étais toute seule. Tu m'aimais toute seule. »« N'es-tu pas ma fille comme il est mon fils ?»« Oui, mais il est le fils de papa Martel. Moi, mon papa était méchant pour toi. » Et Marie-Ange dit qu'elle n'aurait jamais aimé l'enfant d'un homme qui l'aurait battu. C'était à Méduline qu'elle disait ça, pour son bâtard. « Tu sais que je t'ai déjà recommandé de ne pas dire ce mot-là. » Les gens le disent toujours, maman, c'est donc bien honteux d'être bâtard. C'est un grand malheur. Parce que tout le monde se moque de vous. Ils se moquent tous de Méduline et de son petit. Maman, bâtard, c'est quand on n'est pas marié, n'est-ce pas ? Armande, qui ne voulait pas continuer une conversation ainsi engagée, ne répondit pas. Mais, reprit Victorine, pourquoi donc qu'elle ne se marie pas, Méduline, et qu'elle a refusé Hutin ? Je ne sais pas. Ça ne lui fait donc rien qu'on se moque d'elle et qu'on la méprise ? Marie-Ange disait que si elle ne se mariait pas pour elle, elle devrait se marier pour son petit. Elle avait raison, Marie-Ange, n'est-ce pas ? Armande se leva et passa dans la chambre voisine où elle resta quelques instants. Quand elle revint, Victorine, qui n'avait pas quitté sa place, paraissait absorbée dans une douloureuse réflexion. Elle ne recommença point ses questions, mais tout à coup, quittant sa chaise et venant à sa mère contre laquelle elle se serra. « Oh, maman, dit-elle, comme je voudrais bien être malade !» Puis elle fondit en larmes. Armande la prit dans ses bras et la berça doucement en l'embrassant, lui disant de douces paroles, paroles d'amour maternel qui n'ont pas de sens, mais qui pour le cœur de l'enfant sont le miel le plus délicieux, la musique la plus douce. Sans cesse et complètement, les accidents nerveux de Julien diminuèrent peu à peu d'intensité, mais ils laissèrent derrière eux des traces inquiétantes, pâli, amaigri, les yeux creusés, les lèvres décolorées, il se soutenait à peine. La première fois qu'il descendit dans le jardin, Victorine voulait venir jouer avec lui. « Non, dit Martel, tu le fatiguerais. » Et s'adressant à Armande, « Il faudrait que Victorine ne restât jamais seule avec lui. Tu sais comment elle est. Elle entraînerait à quelque imprudence. C'est à nous maintenant de ne jamais le perdre des yeux. La leçon du bois du curé, c'en est assez. » C'était un dimanche. Les récoltes étaient rentrées depuis une huitaine déjà. Il y avait un moment de relâche dans les travaux, et les gens de la ferme avaient mis leur dimanche à profit pour aller à la fête à Villeneuve. Les domestiques étaient aussi tous partis. Armand et Martel restaient seuls à la maison. Ils passèrent la plus grande partie de la journée auprès de Julien, qui, à l'air libre, se trouva mieux. Ce fut seulement quand le soleil commença à baisser qu'on le rentra. On n'avait pas revu Victorine. Armand en fit l'observation. « Elle est sans doute dans la cour, dit Martel. D'ailleurs, elle n'a pas pu sortir, les portes sont fermées. » Armande alla dans la cour, elle ne la trouva pas. Elle fit le tour du jardin, parcourut toutes les allées et ne la vit pas. Elle l'appela, personne ne répondit. « Elle doit être dans sa chambre, dit Martel, je vais y monter. » Il redescendit, elle n'était pas dans sa chambre. Elle n'était pas davantage dans la salle de travail, dans l'atelier, nulle part où on la chercha en l'appelant. « C'est étrange, dit Armande, prise d'une vague inquiétude. « Victorine, Victorine !»« Elle est fâchée, » dit Martel. « Elle boude dans un coin et ne daigne pas répondre. Je vais la trouver. »« Ne la gronde pas. Elle pleure peut-être de ce que nous l'avons renvoyée. » Martel la chercha dans la cour, dans les greniers, reparcourut le jardin comme l'avait déjà parcouru Armande, explorant les taillis, les bosquets, ne laissant pas un coin derrière lui sans l'avoir visité. L'inquiétude à son tour le prit. Où pouvait-elle être ? Il revint dans la cour. Au coin de l'écurie était un grand réservoir où l'on tirait l'eau d'avance pour qu'elle perdît de sa fraîcheur dans l'été. Instinctivement, en passant auprès, il se pencha par-dessus pour voir dedans. Armande, qui sortait d'une grange, vit son mouvement et le comprit. « Ah ! S'écria-t-elle, tu as peur aussi ! » Elle courut au puits qui était au milieu de la cour. À peine se fut-elle penchée par-dessus la margelle qu'elle poussa un cri déchirant, horrible, qui fit bondir Martel jusqu'à elle. « Là, là !» dit-elle, se penchant de nouveau. Puis elle tomba, affaissée, se tordant les mains. Au fond du trou noir, sur l'eau qui miroitait, on apercevait une tache blanche, quelque chose comme un mouchoir ou un tablier d'enfant. En dehors du puits, au bas de la margelle, un soulier. Armand ne l'avait pas vu, mais il sauta aux yeux de Martel. « Et personne ?» murmurait Armande. « Une échelle, mon Dieu !»« Du courage !» dit Martel en la relevant. « Si tu as la force, on peut la sauver. » Elle se pencha en se cramponnant à la potence de fer et d'une voix brisée. « Victorine ! Victorine » cria-t-elle. Rien ne répondit que l'écho sourd. « Peux-tu te soutenir ? Dit Martel. « Peux-tu faire un effort ?» Elle se redressa. « Oui, quel effort !» Tout en parlant, il avait tiré toute la corde et remonté un des seaux. Une grosse voiture restée dans la cour était près du puits. Il passa la corde autour du limon. Il lui fit faire un tour. « Je vais me mettre sur le seau qui reste, » dit-il. « Tu fileras doucement la corde. »« Tu veux descendre ? Oui. »« Et remonter ? Quelqu'un finira bien par arriver. Il n'y a que 3 ou 4 pieds d'eau. La descente est tout. Pourras-tu retenir la corde ?» Elle hésita un moment, une seconde. « Oui. »« Allons. » Il enjamba la margelle et, posant ses pieds sur les bords du seau, il prit la corde à 2 mains. « Lâche, » dit-il, « et doucement. » Elle commença à filer la corde, qui serrée autour du limon et mouillée, glissait difficilement. Mais il arriva à un endroit où elle était sèche, et elle glissa vite en ronflant. « Tiens bon !» cria la voix de Martel. S'arc-boutant contre le limon, se roidissant avec une énergie désespérée, Armande serra les mains, La peau fut emportée, mais elle n'était pas en état de sentir la douleur. L'effort fut suffisant, la corde s'arrêta. « Phil !» cria Martel. Elle recommença à lâcher la corde doucement par petits coups. On entendait un bruit dans l'eau. La corde ne roidit plus. Il était descendu. Elle était penchée au-dessus du puits, écoutant avec une épouvantable angoisse. Lorsqu'elle se sentit tirée en arrière, elle se releva. « Ah, maman !» dit Victorine. « Maman, tu m'aimes encore !» Sa fille, c'était sa fille qui était devant elle et qui sortait d'une grange où, cachée, elle avait tout vu. L'exaltation qui l'avait soutenue l'abandonna. Elle s'affaissa comme sous un coup de foudre. Au même moment, la grande porte de la cour roula sur ses gonds. Le charretier de garde rentrait pour donner aux chevaux le repas du soir.